إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois pour entamer le cours numéro 18 sur l'explication simplifiée de Juz Amma. Nous en sommes arrivés, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala seul, à Surat al-Ghashiyah, l'enveloppante. On avait dit pourquoi elle s'appelait l'enveloppante. Car elle enveloppera les gens de toutes ses frayeurs, yawm al-qiyamah. Nous en sommes arrivés au verset numéro 17. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rappelé les deux groupes, les gens en enfer et les gens au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَفَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative: ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et là, c'est une question pour les réprimander et les blâmer, c'est-à-dire les mécréants, les associateurs, ceux qui ont mécru au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion, ceux avec quoi sont venus les prophètes et les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala les réprimande et les blâme. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ne considère-t-il donc pas les chameaux? Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les chameaux, car ce sont les choses qui les entouraient le plus à ce moment-là. Hein, ils les prenaient comme monture. Ils buvaient de leur lait. Ils en mangeaient et profitaient de leur peau et de leur poil et autres bénéfices. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? C'est-à-dire comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Ce grand corps, le chameau, il possède un grand corps fort qui supporte des charges lourdes, même en étant à genoux. Même en étant à genoux. Et c'est une particularité des chameaux. Alors que les autres montures ne le peuvent, hein, ne le peuvent pas. Hein, tu le vois, yani, il porte des charges lourdes alors qu'il est assis. Et c'est pour faciliter les gens à mettre leurs biens, hein, et leurs effets sur le chameau. Car s'il était debout, s'il ne pouvait pas porter ces choses-là, ça aurait été difficile pour les gens car il est très grand. Donc c'est une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les vois aussi marcher pendant de très longues distances, qui supportent des charges lourdes. Cela car Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la force et la capacité pour les bénéfices et les intérêts des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yassine, versets 71 à 73: ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat les Abeilles, versets 5 à 7: et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Tout cela sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Qu'il convient à chaque musulman et musulmane, chaque croyant et chaque croyante, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Car on les observe tous les jours, mais malheureusement, les cœurs sont insouciants, on oublie, Wallahu al-musta'an. Donc, ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel, comment il est élevé? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Comme on a vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah l'a élevé au-dessus de la terre? Très loin de la terre. Il l'a élevé sans pilier visible. Cette immense élévation, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf, verset 6, n'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli? Et comment il est sans fissure? Fin du verset. Donc ceci fait partie, yani, des choses étonnantes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite qu'on médite dessus. Naam. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Et les montagnes, comment elles sont dressées? Ces montagnes d'une forme étonnante, stupéfiante, par ces montagnes fixées qui sont placées comme des piquets, comme on avait vu dans Surat An-Naba, qui sont placées comme des piquets sous la terre. Donc la terre est stable et ancrée, elle ne bouge pas, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anbiya, les envoyés, verset 27. Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes, c'est-à-dire fixes, qui ne bougent pas? Et Allah a placé dans les montagnes beaucoup de bienfaits, immenses bienfaits, dont on ne peut les dénombrer. Tout cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne me dit-il pas? Non. Et la terre, comment elle est innovée? Elle est nivelée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et la terre, comment elle est nivelée? C'est-à-dire, comment elle a été étendue et rendue vaste? Comment elle a été aplanie afin que les créatures sur la surface de la terre puissent cultiver, puissent planter, élaborer leurs différentes cultivations, afin qu'ils construisent dessus, qu'ils vivent dessus, car c'est comme un lit, afin qu'ils empruntent des chemins pour leurs intérêts et leurs bénéfices. Et sache que, quand on dit ici qu'elle est nivelée, l'aplanissement de la terre, cela ne contredit pas, comme ils disent les savants, qu'elle a une forme ronde. Certes, la terre, elle a une forme ronde. Et cela ne contredit pas qu'elle soit entourée d'astres de tous les côtés. Et cela, alhamdoulilah, est prouvé par le Coran et par la Sunna, ainsi que par la raison et par les sens et l'observation. Et comme cela est mentionné et connu auprès des gens, particulièrement à notre époque. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens les moyens, les causes qui leur permettent de voir cela clairement. Alors qu'auparavant, c'était plus difficile. Donc il n'y a pas de contradiction. En fait, c'est comme si tu la voyais plate. Pourquoi? Parce que tu marches dessus, elle est étendue, elle est nivelée, etc. Mais pas de doute que la terre est ronde. Walhamdulillah. Contrairement aux certaines personnes, parmi les mécréants, etc. Malheureusement, parmi les musulmans qui sont ignorants aussi, qui disent que la terre est plate, Wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, après avoir cité cela, il dit, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Ici, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rappelle à ses mécréants et aux gens et exhorte-les, avertis-les et annonce-leur la bonne nouvelle, car tu as été envoyé pour rappeler les créatures à Allah subhanahu wa ta'ala et les rappeler, les conseiller, leur montrer ce qui leur est bénéfique dans cette dunya et dans le delà, et qu'ils seront rétribués selon leurs actions. Le jour du jugement. Donc il ne te convient que de transmettre, comme on avait vu dans les sourates précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Lesta alayhim bimusaytir. Tu n'as pas été envoyé pour être un dominateur et ni responsable chargé de leurs actes. Lorsque tu as fait ton devoir et que tu as transmis le message, après cela, pas de reproche. Comme on avait vu aussi auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un verset, tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est qu'un avertisseur et un annonciateur. Et il a certes transmis le message de façon claire, walhamdulillah, comme on avait vu dans le hadith, hein, dans le pèlerinage d'adieu, dans le serment, hein, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Oh Allah, sois témoin, j'ai transmis le message. Naam. Sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Illa man tawalla wa kafar. Hein, c'est-à-dire celui qui se détourne de l'obéissance et celui qui mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui tourne le dos au messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhaba al-akbar, c'est-à-dire un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici al-'adhab al-akbar. D'accord, il parle du châtiment de l'au-delà, de l'enfer, même s'ils vont être châtiés aussi dans le châtiment dans la tombe. Mais le châtiment dans la tombe, on l'appelle hein, al-'adhab al-adna, hein, le plus bas au sens, car c'est dans al-qabr. Mais ici c'est al-akbar, c'est le châtiment hein, éternel, le châtiment de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Vers nous et leur retour. Naam, effectivement, le retour des créatures et leur rassemblement au jour du jugement, comme on l'avait vu à plusieurs reprises. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Hein, certes, nous les jugerons selon ce qu'ils ont fait comme bien ou mal, avec justice et équité. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est injuste envers personne, mais ils sont injustes envers leur propre personne. Ainsi, nous avons terminé walhamdulillah sourate al-Ghashiya. Naam. On va commencer tout de suite barakallahu fikoum sourate al-Fajr, celle qui vient juste après sourate al-Fajr. Tayyib. Naam. Sourate al-Fajr qui est traduite par l'aube. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette grande sourate, sourate l'aube, l'al-fajr, par jurer à de nombreuses reprises, comme on va le voir. Hein, il a juré par ses créatures, qui font partie des signes universels, car ces signes prouvent son immensité, hein, sa grandeur et sa capacité parfaite, ainsi que sa sagesse. Elles prouvent aussi qu'il est le seul à mériter l'adoration, en vérité. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par des choses dans lesquelles il y a une leçon à tirer, une morale, pour en tirer bénéfice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par qui il veut parmi ses créatures, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Quant à la créature, et on le rappelle, car le rappel profite aux croyants, c'est une chose importante, il ne lui est pas permis de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela fait partie de l'association mineure. Hein ? De l'association mineure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wal fajri wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ila akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction approximative, par l'aube. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube. Qu'est-ce que l'aube, al fajr? C'est la lumière lumineuse qui apparaît à l'horizon, hein, à l'est, et ceci à l'horizontale. Hein, c'est le début du jour, c'est la fin de la nuit, le début du jour. Et elle a été appelée Fajr, c'est-à-dire l'aube, car elle déferle, elle se répand sur l'obscurité. Car, comme on a dit, c'est le début du jour. Et c'est l'aube véridique, car il y a deux types de Fajr. Hein, l'aube hein, fausse et l'aube véridique. Ici, c'est l'aube véridique, car sa lumière ne fait qu'augmenter jusqu'au lever du soleil, contrairement à l'aube qui est fausse. L'aube fausse, yani, tu as l'impression que le jour, il arrive, mais elle disparaît. Hein, c'est-à-dire qu'au début, il y a de la lumière, mais ensuite, il y a de l'obscurité, hein, entre l'aube fausse et l'aube véridique. D'accord ? Et c'est pour ça qu'elle est trompeuse, parce qu'elle disparaît. Mais dans le verset ici, le sens voulu est le véridique, le début du jour. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat al-Baqarah, « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'aube. Pourquoi ? Car il y a dans cela une leçon à tirer. Hein, l'alternance de la nuit et du jour fait partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'est capable de faire cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des signes qui prouvent la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est seul, certes, à administrer toutes ces choses. Hein, et cela prouve son unicité, qu'il est le seul en vérité qui mérite l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a juré par l'aube, car elle implique des jugements religieux, des adorations importantes telles que l'entrée de l'heure de la prière, de l'aube, ainsi que le fait de s'abstenir pour le jeûneur. Toutes ces adorations importantes. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, « Wa layalin » Asher, et par les 10 nuits. Et par les 10 nuits. Naam. Certains savants, car il y a une divergence ici, quel est le sens de les 10 nuits ici ? Certains savants disent que le sens des 10 nuits ici, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Car dans la langue arabe, des fois, tu peux utiliser les mots nuit, mais qui veulent dire le jour, et ainsi de suite. Hein, c'est connu dans la langue arabe. Donc ici, ils disent que ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, car ce sont des jours méritoires. Hein, il y a dans ces jours des adorations et des moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas dans les autres jours, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, il y a dans ces 10 jours, par exemple, le jour de la station de Arafah. Hein, la station de Arafah. Donc dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a la station de Arafah, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs. Un pardon qui attriste le diable, subhanallah. Un pardon qui attriste le diable. Et le diable n'a jamais été vu aussi humilié et rabaissé que le jour de Arafah. Naam. Parce qu'il voit la descente des anges. Et il voit la descente de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Il y a aussi dans ces jours les œuvres du pèlerinage et de la umrah, le petit pèlerinage, ainsi que le jour du Eid et le sacrifice et autres grandes adorations. Hein, il y a dans ces jours beaucoup de biens. Et ce sont des choses immenses et honorables qui méritent qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par elles. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui, il dit que, dans une version, que c'est... on va le voir inshallah juste après que walayalin ashr en disant wa shaf'a wal witr juste après le père et l'impère que en fait c'est le 9e jour et le 10e jour, le jour de Arafat et le jour de Eid comme on va voir après. Naam. D'autres savants disent que le sens de ces 10 nuits sont les 10 dernières nuits de Ramadan, car il y a dans ces nuits la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Naam. Et que dans les 10 derniers jours de Ramadan, il y a aussi le jeûne, hein, qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces nuits pour l'immensité et l'honneur de ces nuits et tout le bien qu'elles contiennent. Dans tous les cas, que ce soit les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, qui sont les, comme disent les savants, les 10 meilleurs jours, hein, de l'année, hein, et ou que ce soit les 10 dernières nuits de Ramadan, qui sont les meilleures nuits de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala a juré pour montrer l'immensité et l'importance de ces nuits ou de ces jours. Et aussi afin que le serviteur connaisse sa valeur et qu'il saisisse l'occasion pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bientôt on s'approche hein, de ces nuits. Donc il convient à tout le monde, inshallah ta'ala, de saisir cette occasion pour pouvoir multiplier les bonnes œuvres et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans différentes adorations. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Et il y a deux qira'a qui sont correctes ici. Comme disent les savants, à titre de bénéfice, tu peux dire وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ أَوْ وَالْوِتْرِ. Naam. Par le père et l'impère. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par le père et l'impère. Quel est le sens de cela? Ibn Kathir, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité beaucoup, beaucoup d'explications à ce sujet. Naam. Il a cité beaucoup d'explications à ce sujet, mais nous, on ne va pas tous les citer parce que c'est assez long. Naam. Mais ce qui... Parmi les sens qui sont venus, que nous cite Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre, l'explication, il dit qu'il a été dit que le sens de... Donc ici, donc le père, par le père et l'impère. Donc par le père, on a dit, c'est hein, toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'impère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, car il est unique. Naam. Et il a été mentionné d'autres explications par rapport à ce verset. Comme on a dit, Ibn Abbas, qu'Allah l'a gré, il a dit que c'était le 9e jour hein, et le 10e jour de les jours de Dhul-Hijjah. Naam, père et impère. Et d'autres explications à ce sujet. Wallahu a'lam. Revenir, inshallah ou ta'ala, aux explications des savants dans le détail. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَصَرْ. Il jure par la nuit quand elle s'écoule. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la nuit quand elle s'écoule, c'est-à-dire lorsqu'elle apparaît et repart. Elle vient et elle part. Comment on dit l'alternance du nuit et de la jour et du jour. Hein, c'est-à-dire quand elle vient, elle couvre la création. Hein? L'obscurité hein? Et la lumière du jour disparaît. Donc à ce moment-là, quand la nuit vient, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se tranquillisent et se reposent et s'apaisent et ils dorment, comme on a vu dans différentes sourates. Et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et une sagesse. Naam. Car si Allah subhanahu wa ta'ala avait assigné le jour en permanence, les gens souffriront, ils ne pourront se reposer et être tranquilles. De même s'il avait fait la nuit, pareil, en permanence. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nuit un vêtement pour le sommeil, et le repos et la tranquillité. Et il a assigné le jour pour les affaires de la vie, pour rechercher la subsistance, pour s'efforcer dans le travail, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est parmi les signes, les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité ces signes et après avoir juré, il dit « Hal fi dhalika qasamun li dhi hijr ». N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence hein, c'est-à-dire, n'est-ce pas là un serment, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité dans les versets, hein, dans les signes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ?« Li dhi hijr ». C'est-à-dire pour celui qui a une raison. Pourquoi ? Parce que l'hijr, hein, ça signifie al-aqil. C'est-à-dire celui qui raisonne. Donc celui qui raisonne, il va méditer sur ses serments. Il en prendra des leçons. Mais tandis que, hein, que celui qui ne raisonne pas, il ne va pas méditer. Et il ne fera pas attention, il ne tirera pas bénéfice de sa raison. Hein ? Et il ne tirera pas profit de ses versets, de ses signes. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé al-aql, donc al-hijr, al-aql? Car dans la langue arabe, cela signifie al-man'a, c'est-à-dire l'empêchement, hein, ou l'interdiction. Car la raison empêche la personne de faire ce qui ne convient pas. Elle l'empêche de dire des mauvaises paroles, de faire des mauvais actes, ou d'avoir des mauvais comportements, etc. Donc la raison, elle fait partie des plus grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs. Et des plus grands signes, na'am. Tayyib. Et malheureusement, yani, tu vois dans cette dunya, wallahu al-musta'an, yani, parmi, n'en parlons pas des mécréants, mais on parle des musulmans, qui s'adonnent à boire de l'alcool ou à prendre yani, de la drogue, etc. Ce qui vient détériorer, ce qui vient détruire la raison, ce qui vient détruire ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Donc il est obligatoire ici pour le musulman de préserver sa raison, car c'est ça la différence qui nous distingue entre eux, nous et les animaux. Alors que Allah al-musta'an, yani tu bois de l'alcool ou que tu prends de la drogue et ça détériore ta raison et ça l'enlève, c'est, tu deviens comme un animal, Allah al-musta'an. Et à ce moment-là, tu ne vois plus, yani tu ne distingues plus le bien du mal, etc. Donc il convient aux musulmans de s'éloigner de ces choses et de préserver cette raison. Qui est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Et la réponse, na'am, est sans aucun doute oui. Une partie de cela suffit pour celui qui a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Subhanallah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى il dit ensuite, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Et vu que c'est un peu long, inshallah ou ta'ala, je pense qu'il est préférable, parce que le temps il passe très vite, wallahu al-musta'an, il est préférable de s'arrêter là, parce que ça fait 30 minutes, inshallah ou ta'ala, et de commencer justement cette partie demain, pour finir en même temps toute la sourate, inshallah ou ta'ala, si Allah il nous permet et il nous facilite. Na'am. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وسأغضب إن شاء الله تعالى ce soir le cours à 22h sur les paraboles du Coran. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.